niggas better run. In us, fuyele de baye, fuyele de baye. Jizo, fuyele de baye, fuyele de baye. Poto swana talent, poto loba talent. Bye-bye.